والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فمن هذا اليوم إن شاء الله سنواصل في دراستنا من هذه الكتب في سلسلة تعليم اللغة العربية في التعبير dans les كتب prix de la Jamia qui est la Jamia l'imam Mohamed ibn Saoud al-Islamia qui est à Mecca. Toujours dans le Tarbir. Là, ce livre-là, le quatrième, c'est la première fois que je le fais. Je l'ai pas fait auparavant. لكن كما ذكرنا نحن في كتاب ممتع سنأخذه دراسة نحوية. يعني وقوان النص النصوص كما نبتد الكلمات بعض التدريبات واحد اثنين كذا ونركز على بعض الإعرابات وفي certains إعراب histoire de faire تطبيق ce qu'on a pris dans le kitab Mumti, Inch'Allah, pour faire une muraja'a. Et en lisant le texte, même moi, j'ai rencontré plein de mots, je ne le sais pas aussi. Mais bon, ça peut faire des recherches. Voilà. Et demain, le ta'alem, qui a fait le kitab, puis Fahris. Puis Fahris également, là, t'as de matière, t'as une somme de dictionnaire à la fin. Ok. Akala. Je vais les mettre ta photo. La photo qu'a Marna. Marna, là. رجع إلى هذا التعليم إن شاء الله. طيب. قال نبدأ من اليوم مباشرة. الدرس الأول بلدي. بلدي يعني mon pays. كلمات الجديدة. أولا قال فضاء. فضاء الفضاء في الاسباس. الاسباس ça peut être d'autres sens mais le sens d'un lieu يعني vide. بيضاوي ça c'est pris de بيض pour dire une forme ovale comme un œuf. خط الاستواء. Là, je pense que le marna qu'ils veulent, c'est l'équateur. C'est ce qui m'apparaît. Car ça porte d'autres noms. Et la kinkana maksoudahouna wa l'équateur. Allah alam. Mutasawin. Mutasawin. Là, c'est égal. Khotto el-ard. C'est une ligne horizontale. Tasawa yatasawa, c'est s'égaliser. D'ailleurs, mutasawin, c'est son ism fa'il. Shahiq, shahiqa, ma'na murtafi'a. Un yot. Moufattahun, aplani. On a parlé de kelimat sath. Sath, qui est comme un toit. Rayé distah. C'est le même, c'est parce qu'ils ont rendu sakin la première lettre, pas un khata. Que l'arabie, elle a tout d'habit sakin. En langue arabe, on commence pas par la lettre sakin. Shabaha. Ma shabaha dhalika est ressemblé. Shabaha. Où est-ce qu'on a pris ce mot-là? Après, shabaha. Dans l'aqida. Ah, tashbih. Naam. On a pris un mot plus proche encore, tashbih. Mourke moab ou tashabi. Tashabu. Les versets équivoques qui se ressemblent. Qui apporte à la confusion? شابه يشابه اليابس c'est une chose qui est sèche. الارض اليابسة c'est là sol qui est sec. حضاب c'est le jam de Hadab. Ils sont comme des plateaux élevés ou Hawla Hala. ثم ذكر قاحل هذا بمعنى أغيد استيريل أفرتيل والعكس من اليا ونعم مثل قريب يابس هائل معنى عظيم هائل يعني très grand سخر يسخر من ما معني سخر يسخر le fait d'apporter le contrôle d'une chose mettre au service comme dans le dua de Durukum on a déjà fait surat شورى الحمد لله الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين celui qui nous a permis de pouvoir contrôler cette chose là la monture ça peut être le fait de l'apprivoiser également قاوم يقاوم c'est le fait de repousser résister افاعي c'est le jam de افاع c'est le jibère, serpent. Maintenant, sorben. Sorkiroun. Sorkiroun, c'est glacé, dans le sens comme la banquise ou les lieux froids. Adjouaoun, c'est le jam de Jou, qui est le climat, le temps. Kassama yaksimo, c'est le fait de partager, diviser. Arba'un jam rubu. Rubu, c'est le quart. Pareil. Alal sanakara, murakiz, inshallah. C'est quoi? Non. Sa'i, sa'i, c'est quoi? Glacé. Comme la banquise. Le Afa, excusez-moi, j'ai raté. Jam de Ruba. C'est écrit à côté. Jam de Ruba. Taïb. Paul. Awalen. Al-Insanu ou Al-Bahth. Al-Istikra. L'homme recherche. L'installation. Attends. Non. Le bar, c'est le fait de rechercher, c'est le mazal de bar. Le haf, c'est le haf. L'istikrar, c'est le mazal de l'istikrar pour aller stabler. يقول خلق الله سبحانه وتعالى الكون بسمائه وفضائه وأرضه ومائه. الله سبحانه وتعالى أكريل في الكون là c'est dans le sens de خلق la création mais particulièrement ce qui est lié apparemment à la terre avec son espace avec sa terre avec son eau. فالأرض خلقها على شكل بيضاوي يقسمها خط الاستواء إلى نصفين تساويين شمالا وجنوبا. Donc la terre, il l'a créée comme eux prétendent une forme ovale. Adakol anama alifo. La terre, l'ovale, ça je connais pas. Je connais rond, et certains ils ont dit plate. À main ovale, je connais que le planisphère il est ovale sur une carte, à main platée elle est ovale. Ada ma'arif wala dalil ana hadhalika fi kitab wala fi sunna. Hatta que la terre elle est ronde, il n'y a pas vraiment de dalil. C'est une déduction faite par les découvertes. Il n'y a pas d'interdit qu'elle soit ronde. À main ovale, ma'arif ana al-qawl. Donc il a créé une forme ovale, elle est divisée par l'équateur en deux parties égales, le nord et le sud. Puis darajat al-harara, dans le niveau de température. Et anna kull al-manatiq allati taqa ala khat 'ardin wahidin tatasawa fi darajat darajat hararatiha. Que chaque endroit qui tourne dans une ligne, sur la même ligne de, tu as l'équateur et après tu as des lignes parallèles. Chaque pays et chaque lieu qui tourne dans une même ligne, il aura la même température. Illa idha ta'atharat bi'awamil mu'assira. À part si cela influe par des agents. Quel monadiq al-jabaliya al-shahika. Comme par exemple les régions montagneuses élevées. Moussattah al-ma'i al-munkhafid, ou ce qui est aplani, un lieu aplani et bas qui contiennent l'eau, comme les lieux au bord de la mer, qui sont au niveau de la mer. Ou kanat tatillu ala muhit, ou qui donne sur un océan. Muhit, c'est un océan. Ou bahrin, la mer. وما شابه ذلك من العوامل التي ترفع من درجات الحرارة أو تخفضها. Ou autre parmi justement ces agents qui augmentent la température ou la font descendre. إن المسطح المائي في كرة الأرضية أكبر من اليابس. Que les surfaces d'eau sur le globe terrestre sont plus grandes que les parties sèches. Le terrestre, le sol quoi. فهو يغطي أكثر من ثلاثة أرباع الكرات الأرضية, qui remplit plus de 3 quarts du globe terrestre. Ni l'eau. Même les koufars le disent que l'eau, la terre, elle est composée de 68% d'eau. C'est ce qu'ils disent. يشمل المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار, ce qui englobe les océans, les mers, les lacs, les étangs, les fleuves. أما اليابس فيشتمل الكرات المختلفة بمرتفعاتها ومنخفضاتها وسحابها وحضابها وسهولها. Et quant au sol ferme, lui, il englobe les continents, différents continents, ceux qui sont élevés, ceux qui sont bas, on va dire les sols élevés, ainsi que les bassins, ainsi que les déserts, ainsi que les plaines, ainsi que les vallées. وَبَعْدُ الْيَابِسِ تُغَطِّهِ الْغَابَاتِ الْكَثِيفَ. Et certaines parties du sol sont recouvertes de forêts intenses ou de forêts denses. بِحَيَوَانَاتِهَا الْمُفْتَرِسَ, avec ces animaux prédateurs. وَجُزْءٌ هَائِلٌ تُغَطِّي السَّحَارَ الْقَاحِلَ, et une grande partie recouvre ce globe par les déserts secs. وَلَقَدْ سَكَنَ الْإِنسَانُ مِنَ الْأَرْضِ أَرْجَاءَهَا, ومن الأرض أرجاءها التي تصلح للحياة وسخرها الله له. Et que l'humain a habité dans lui, justement sur les immensités de cette terre, celle qui est appropriée ou adaptée à la vie que Allah lui a permis de pouvoir utiliser. Les choses qui étaient à son service, qu'il aimait à son service. Fasakana el-Rabat, il a habité dans les forêts. Wa yajna simaratiha, il cueille ses fruits. ويصطاد حيواناتها يشاس الزنيمو ويقاوم أفاعيها أو وفاعيها يغبوس السربون وحرش وحشراتها سنسكت ومرادها سمالدي وسكن الإنسان مناطق السقيع الجبلية والجلدية السقيع الجليدية حيث الأحجوا القاسية فكلا également habité dans les parties glacées là où il y a des vents, on va dire, des vents arides. La Joe, c'est plutôt, je pense qu'il veut dire du climat aride. Non, pas rien. الأسئلة دست الأسئلة لس أتركها لأن يريد أن تفكر وتجيب بنفسك في أشياء وهذا ليس قصدنا ليس قصدنا مثلا في البيت تستطيع تفعل الثاني لرمبلي les trous par les mots correspondants عندنا car je crois pas que les mots tu les as déjà directement mémorisés donc pas besoin de réfléchir وهذا تفعل إن شاء الله للغد. La kalimat shahiqa, je veux dire élevé, al-fada, l'espace, le vide, al-kahila, sec, le kawimo, pour pousser, résister, yaksimo, divisé, as-sapir, yani glacé, khatul-ard, jusqu'à présent, j'ai pas vraiment compris comment traduire, mais ce sont les traits, les lignes sur la terre sur lesquelles, lorsque les pays sont sur la même ligne, ils ont le même climat, c'est parallèle à l'équateur. Je sais pas comment ça s'appelle. Beidawi, yani ovale. Mutasawiyan, ego. Aha il mana azim. Première phrase, yakul. Takhru al manatik al istiwaiya min. Que les régions équatoriales sont vides de. Ne contiennent pas de. Khadalmana. ثانيا أخبرني بأنهم رجعوا دون أن يصعدوا قيمة الجبل لأنها ils m'ont informé qu'ils sont revenus pour avoir atteint le sommet de la montagne car elle est هكذا. ثالثا لا تسكن الحيوانات آكلة الأعشاب المناطق que les animaux qui mangent qui on va dire qui pâturent qui mangent du pâturage, n'habitent pas dans les régions, trouvent les bons. Rabiran, khatou l'istiwa, khatoun, al-kura, al-ardiya, il-nisfin, shimalin, ou nisfin, junubi. Que la ligne équatoriale est une ligne du globe terrestre en deux parties, le nord et le sud. خامساً نستطيع التعرف على درجة الحرارة في البلدان بمعرفة تلك المناطق. Nous pouvons connaître la température ou le degré de chaleur des pays en connaissant de ces régions. سادساً يلتقي الحاج بعدد من المسلمين في مكة المكرمة. Que le pèlerin rencontre un grand nombre de des musulmans à Mecca al-Mukarrama. سابعا كلما نظرنا الى اعلاه في هذا الواسع فكرنا في عظمه الله في عظمه الله à chaque fois que nous regardons au plus haut de ce très large nous réfléchissons dans la grandeur d'Allah l'immensité d'Allah ثامنا القرى الارضيه ليست مستديرة ككرة القدم. بل ذات شكل que la, le globe terrestre n'est pas arrondi comme un ballon de foot, mais plutôt de forme. تاسعاً لم يستطيع أن المرض لأنه أهمل العلاج. Nous ne pouvons pas la maladie car il a été négligent dans le remède, dans les soins. عاشراً وآخراً الفريقان في القوة ومرت الحزيمة والفوز. Que les deux équipes sont dans la force parfois et dans la défaite également et la victoire. طيب في هذا النص نكتفي بهذا التدريب الان نرجع اليه et ننظر في بعض الاعرابات الاعراب de certaines phrases. طيب انا اريد اعراب خلق الله سبحانه وتعالى الكون دون سبحانه وتعالى خلق في الماضي مبني على الفتح مبني على الفتح نعم الله لا محل له لا محل من الاعراب نعم الله لفظ جلالة لفظ جلالة فاعل نعم بالفعل وعلامة رفعه الظاهرة على اخره نعم سبحانه وتعالى جسده لا لس سبحانه وتعالى الكون مفعول به منصوب علامة رفع وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره. طيب أحسنت. maintenant كلمات خلق الله سبحانه وتعالى الكون بسمائه وفضائه وأرضه ومائه. لماذا فضائه مجرور؟ فضائه بكل مجرور. لا واو عطف. نعم لأنه معطوف أحسنت المجرور الغرس لكل أسمائي سمائي سمائي ما إعراب خلقها على شكل بيضاوي إعراب بيضاوي شكل بيضاوي نعت نعت من ماذا من شكل نعم وكم الشكل المجرور بيضاوي المجرور كم له طيب يقسمها خط الاستواء الى نصفين متساويين لماذا هنا في نصفين يعني قبله حرف جر ايوه بعد ان يعرب الى حرف جر ونصفين اسم مجرور وعلامة جره الياء لماذا pourquoi pourquoi c'est un ya parce que c'est aslan c'est a nisfan donc il y a nahu et nahu majrur la majrur lakin il y a nahu alamat jarri al ya il y a nahu c'est quel genre de aslan c'est un mudhakkar salim la la tafniya مثنى نعم فهو مثنى هذا كده ايوه اذا متساويين حل النصفين متساويين ها النصفين متساويين حل الحل نكره معناها هي شيء هنا هو نكره لكن ايوه نعت سبا حل سنعت même là le nakira lui même c'est pas un hal c'est un art non wa shimalan wa junuban si tu trouves Allah Allah Allah tu connais mais c'est parce que tu auras le réflexe et l'attention de savoir c'est quoi mais tu connais ouais ah Shaiba comment ça s'appelle c'est celui-là regarde je recommence la phrase ركز على معنى الجملة اتشوفها إن شاء الله للسلة فالأرض خلقها على شكل بيضاوي يقسمها خط الاستواء لنصفين متساويين شمالا وجنوبا ها Je tamise. Non, là, pas tamise. Là, ظاهرا هو حل. لأن هي سؤال يكون السؤال كيف يقسم خط الاستواء للنصفين كيف تقول شمالا ويمينا ساحل طيب في الجملة تحت إن المسطح المائي في كرة الأرضية أكبر من اليابس وجدت الجملة؟ لا أريد نعم في الوسط إن المسطح تمام حتى إن ما يعرف إن شكوى إن توكيد حرف حرف نصب وتوكيد وتوكيد مبني مبني على الفتح أيوة لا محل له من الإعراب المسطح اسم كيف منصوب اسم ماذا؟ منصوب. منصوب. لكن ليك كيسكي لا؟ منصوب صنيع رب. كم هو نقل؟ إيه اسم إنا. اسم إنا. منصوب. منصوب. وعلامة نصبه الفتحة على الأخيرة الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. المائية. نعت. نعت. طيب أين؟ خبر إن هنا خبر إن في الكرة جمع مجرور خبر أو في كرة في الكرة الأرضية لا لا خبر بعد كل توت الجملة في الكرة الأرضية أكبر من اليابس يابس لا خبر لا لا موجود تو تقول دوبي لا فراس تقول اسم إنا تقول خبر سي تو انفي تنلفي إنا أكبر من اليابس أكبر أكبر خبر إنا سي أكبر فقط إنا مسطح أكبر لو غير سي كون دي شوز كومبليت مي لو خبر سي أكبر وحتى هم جعلوا الظلمة لازم لا ظلمة طيب تحت لغدانيه فراز يصطاد حيواناتها ويقوم افعيها طيب كوين كسرى حيواناتها لماذا الكسرى لأن الجمع مذكر جمع نفسي دونك ينصب بالكسرة أيوة فما قول به ينصب بالكسرة نعم جمع نفسي فعلامة نصبه الكسرة الكسرة نيابتنا من الفتحة لأنه كما ذكرنا أحسنت فسنقف هنا اليوم أصلا سنبقى دوت كم فالدي أكسترا Il y en a, le vocabulaire est marrant. Certains comme ça qui parlent de géographie, là. Ouais. C'est pas notre domaine. Voilà. Donc pour demain, tu as juste un exercice, c'est apprendre les mots. Inch'Allah. Tamam? Fa ila huna wa alhamdulillah.